Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Si aujourd'hui la pornographie est d'abord un problème, de quel problème s'agit-il ? Un goût du scandale dénoncé par les âmes puritaines ? Une représentation de la femme trop souvent victime d'humiliation dans les films porno ? Un tabou quant à cette dimension pourtant bien réelle de notre désir de voir, de tout voir et de tout montrer ? La pornographie joue avec les interdits et en retour peut les faire évoluer. Faut-il alors assigner des limites à la pornographie, voire carrément l'interdire. Partons de ce qui est inaudible, ces mots que l'on met sur ce qu'on n'a pas envie d'entendre dans une émission de radio. Attention, oreilles sensibles et imagination débridée, éloignez-vous du poste. J'ai envie de te lécher de la tête aux pieds. J'ai envie de te prendre sur la tête jusqu'à ce que tu demandes pitié. J'ai envie de te... Bébé, t'es trop bonne, faut que je te dise. J'ai envie de te... J'ai envie de te manger de la tête aux pieds. J'ai envie de te prendre sur la table jusqu'à ce que tu demandes pitié. J'ai envie de te... Bébé, t'es trop belle, il faut que je te dise. J'ai envie de te... J'ai envie de te... Tu sais que j'ai envie de te... Tu sais que j'ai besoin et envie de te... Tu sais que j'ai envie de te... Je sais pas moi, il faut qu'il se passe quelque chose. Bonjour Denis Ramon. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Est-ce que cette chanson de Rozoff, qui exprime de manière, disons, crue, la violence d'un désir pour une autre personne, peut être qualifiée de pornographique ? J'aurais tendance à dire que non, puisque là, justement, en l'occurrence, il est plus question, à mon avis, de l'expression d'un désir qui a l'air, d'ailleurs, frustré et sans cesse différé dans sa réalisation, que de pornographie à proprement parler. Mais en fait... La chanson reprend de bien des manières, en fait, des codes de la pornographie, bien évidemment, ce qui la rend peut-être choquante ou explicite, évidemment, et peut-être scandaleuse pour certains. Mais pourtant, la présence d'éléments sexuels, en fait, dans une œuvre, une chanson ou un film, ne suffit pas, je pense, pour définir le caractère pornographique de cette œuvre. C'est-à-dire que je pense qu'il est important quand on parle de pornographie, de distinguer la représentation de la sexualité et les représentations sexuelles. Représentation sexuelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce sont des représentations qui sont en elles-mêmes sexuelles. De la sexualité, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'œuvres de cinéma qui contiennent des éléments de sexualité ou des scènes sexuelles. Vous avez, par exemple, des films de Larry Clark, des films de Pasolini, des films d'Oshima, contiennent des scènes de sexe, et d'ailleurs ce sont des scènes de sexe non simulées. Et pourtant, enfin dans certains cas, et pourtant je pense que, à part quelques associations particulièrement puritaines ou conservatrices, personne ne qualifierait ces œuvres de pornographiques. Où est la limite ? À partir de quand une œuvre qui filme ou qui montre de la sexualité est-elle qualifiée de pornographique ? Alors, une œuvre est qualifiée de pornographique lorsqu'on lui attribue, à tort ou à raison, mais en général à raison d'ailleurs, la volonté d'exciter sexuellement ses spectateurs ou ses consommateurs. La pornographie, effectivement, ne se limite pas à la monstration d'actes sexuels. Si bien qu'en fait, beaucoup d'œuvres contiennent des éléments sexuels, mais on juge... Et les juges jugent que l'intention première de ces œuvres n'est pas d'exciter leur spectateur ou leur consommateur. Je crois que dans le cas de cette chanson, personne n'irait dire que le but de cette chanson est de stimuler la libido ou le désir des auditeurs. Bah quand même, un chanteur qui exprime qu'il a envie de lécher telle personne, qui a envie de faire l'amour avec telle personne avec un rythme bien pesé, bien balancé, ça peut être excitant. Tout peut être excitant. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est un problème en fait. Oui, tout peut être excitant, mais de définir la pornographie à partir de la volonté d'exciter. Oui, mais c'est pourtant en fait la technique ou la méthode qu'on emploie dans nos sociétés pour définir ce qu'est un objet pornographique. La présence d'éléments sexuels n'est pas en elle-même suffisante. Et effectivement, je veux dire, tout peut d'une certaine manière exciter sexuellement. D'ailleurs, c'est le principe même du fétichisme, qualifié parfois de perversion, qui fait que des éléments non qualifiés de sexuels peuvent le devenir par l'usage qui en est fait. Pourtant, je pense que... on aura tendance à qualifier de pornographique ce qui est intentionnellement destiné à susciter l'excitation sexuelle. Je pense que, par exemple, pour le cas de cette chanson, on pourrait dire que l'intention première est de et de faire danser, le rythme en tout cas semble le suggérer. Il y a sans doute des œuvres musicales, il faudrait y réfléchir, qui ont pour objectif de stimuler l'excitation sexuelle. Mais je pense pas forcément que celle-ci en fasse partie. Et donc en fait, là, quand on parle de pornographie, on parle d'un type de représentation qui n'est pas tout à fait des représentations comme les, qui ne sont pas des représentations comme les autres. En général, quand on parle de représentation, on parle de leur contenu. On parle de genre. Vous voyez, par exemple, quand vous parlez de western, tout de suite, tout le monde voit tout de suite de quoi il s'agit. Vous avez des gens avec des chapeaux, des grands imperméables et des pistolets qui se tirent dessus, bon, et des chevaux. La comédie musicale, tout le monde voit ce dont il s'agit. Hein. Vous avez des gens qui chantent au milieu de la rue pour exprimer leur sentiment. La comédie est faite pour faire rire. La pornographie, en fait, se définit fondamentalement par le rapport que les images entretiennent avec les spectateurs. Et c'est quelque chose qu'on trouve notamment dans la manière dont la pornographie est définie juridiquement. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de repérer la présence de scènes sexuelles. On va se demander si le but premier, si l'objectif majeur est de susciter l'excitation des spectateurs. Et en fait, dans l'histoire, que ce soit par exemple en France ou aux États-Unis, les législateurs, les députés ou les juges qui décidaient de ces questions-là étaient toujours très attentifs au fait de ne pas faire rentrer des œuvres artistiques dans la catégorie pornographie. D'ailleurs, j'ai appris dans votre thèse, Denis Ramon, puisque vous avez écrit une thèse qui sera bientôt publiée aux éditions Garnier, qu'il existe un code du cinéma et de l'image animée qui indique, l'article R211-12, c'est grâce à vous que je le sais, que le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre la protège d'un classement X. Oui. Autrement dit, si on estime que la raison d'être de l'œuvre n'est pas d'abord d'exciter le spectateur, alors celle-ci ne peut pas être classée X. Oui, le droit pose une distinction de principe entre l'artistique et le sexuel. Par exemple, et ça c'est quelque chose qu'on voit dès la Révolution française, quelques temps après la Déclaration des droits de l'homme, alors qu'on discutait à l'Assemblée un projet visant à interdire les peintures obscènes, certains se sont émus que ces peintures obscènes touchent des grandes œuvres d'art, par exemple des sculptures ou des tableaux contenant par exemple de la nudité. Et en 1975, quand on a voté en France ce qu'on appelle aujourd'hui encore la loi X, c'est-à-dire la loi qui instaure un partage entre les films pornographiques et les autres, et donc soumettant les films pornographiques à un régime de taxation particulièrement lourd, ce qui avait en fait pour objectif de chasser la pornographie des salles classiques et de l'espace public, eh bien les députés se sont évidemment inquiétés à l'époque de ce que cette catégorie touche des films, et d'ailleurs les noms sont cités, des films de Bergman, par exemple, qui d'ailleurs, rétrospectivement, ne nous paraissent pas du tout pornographiques, ou encore des films, je sais pas moi, de Lozé, ou c'est-à-dire des films appartenant au panthéon du cinéma. C'est-à-dire que, en fait, la pornographie désigne la sexualité sans qualité, le degré zéro de la sexualité, c'est-à-dire la sexualité qui n'est ennoblie par rien. C'est la sexualité qui n'est pas ennoblie par la reproduction, qui n'est pas anobli par l'art, qui n'est pas anobli par la politique, c'est la sexualité, comment dire, c'est le degré zéro de la sexualité. Et c'est aussi représentation sexuelle, au sens où je pense que cette expression est quand même intéressante, de qualifier des représentations qui sont elles-mêmes sexuelles. Ce sont des représentations qui ont pour destination première de s'adresser à la sexualité des consommateurs, notamment des consommateurs masculins, et de susciter en fait l'excitation sexuelle et donc la masturbation. Pour vous, la pornographie est d'abord liée à la masturbation. Hier, Laurent Sutter nous disait que le concept clé pour comprendre la pornographie, c'était la prostitution. Vous vous dites que c'est la masturbation ? C'est la masturbation, ou en tout cas la réception que le spectateur fait, qui est une réception sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a deux types de regards. Il y a un regard qui est un regard distancié, qui est un regard esthétique, qui est un regard politique que l'on pose sur les œuvres. Et il y a le regard sexuel que l'on pose sur les œuvres. Et c'est justement ce regard sexuel posé sur les œuvres qui fait la pornographie. Toute œuvre dont qu'on supposera susciter ce regard-là sera considérée comme de la pornographie avant tout. Et donc la masturbation, évidemment, est un concept ou une pratique plus précisément d'ailleurs, qui est fondamentalement lié à la pornographie, puisque dans l'histoire et assez longtemps, ce qu'on appelait les ouvrages licencieux ou obscènes ou plus récemment pornographiques étaient justement accusés de susciter et de provoquer la masturbation. Et la masturbation qui pendant assez longtemps a été accusée de causer toutes sortes de maux extrêmement graves, toutes sortes de pathologies, y compris jusqu'à la mort de ceux qui s'y adonnaient. Et si aujourd'hui plus personne ne croit réellement, je pense que la pornographie tue, ni même que la pornographie rend sourd, il reste en tout cas cette idée selon laquelle il existe un type de représentation qui ne sert qu'à ça. Qui ne sert qu'à ça, donc les usages ne sont que sexuel. Mais là, vous nous aidez à définir ce qu'est la pornographie. Peut-être faut-il s'intéresser non pas à la nature de l'œuvre, mais au regard du spectateur et juger porno ce qui fait jouir le spectateur. Et plutôt le geste du spectateur qui veut consommer un film ou n'importe quel objet en vue de jouir. Alors on parle de pornographie. Oui, en fait, la pornographie désigne en fait la difficulté des débats sur la pornographie s'explique à mon avis très très globalement par le fait que la pornographie désigne à la fois un genre et une catégorie et que le rapport entre les deux est extrêmement complexe. Évidemment, à bien des égards, si on se réfère à l'étymologie pornographie, ça veut dire peinture ou représentation sur les prostituées, et en ce sens-là, de la pornographie, on en trouve dans la Grèce antique, on en trouve dans des temples hindous, on en trouve dans la littérature libertine, dans la littérature aussi humaniste. Et à ce moment-là, il suffit qu'il y ait effectivement présence d'éléments sexuels et débats sexuels représentés pour qu'il y ait pornographie. Mais je pense que la catégorie pornographie est plus récente. La catégorie pornographie, le mot apparaît dans son usage actuel au milieu du 19e siècle. Hein, j'ai bien vérifié, il fait son apparition dans le dictionnaire de l'Académie française en 1842. Et il désigne en gros des peintures obscènes. Et progressivement, dans les dictionnaires, sera adjoint à la définition visant à susciter... alors l'obscénité, la lubricité du spectateur, l'émoi du spectateur. C'est donc une catégorie qui vise à provoquer les instincts sexuels. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que quand on regarde les dictionnaires de l'époque, on se rend compte que le terme masturbation apparaît dans les dictionnaires à peu près au même moment, c'est-à-dire en 1838 à peu près, et également le terme sexualité. Sexualité, ce qui est un mot qui apparaît aussi à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, et mot qui signifie que les gens ont une sexualité. Ça paraît étonnant, mais le mot sexualité, ça c'est Foucault l'a bien montré d'ailleurs, la sexualité c'est une invention moderne, le concept de sexualité. C'est-à-dire qu'il y a une zone dans l'homme qui est l'instinct sexuel, la sexualité, et il y a donc un certain nombre de représentations qui vont agir sur cette sexualité. Et ces représentations vont du coup être qualifiées de sexuelles. Et par la suite, la pornographie va désigner toutes sortes de fléaux. À la fin du 19e siècle, on qualifiera de pornographie non seulement les images licencieuses, les cartes postales, mais aussi toutes les brochures malthusianistes de l'époque, c'est-à-dire toute la propagande, enfin c'est du moins comme ça que c'était qualifié à l'époque, qui plaide pour la restriction des naissances, c'est-à-dire la pornographie désignait une sorte de tout dans lequel en fait on qualifiait une fois encore la déviation de l'instinct sexuel, c'est-à-dire une sexualité qui n'est pas arraisonnée à la reproduction. Et ensuite, lorsque la pornographie arrive dans le droit, elle désigne effectivement... Ça, c'est à partir de quand ? La pornographie arrive dans le droit, en fait, excessivement tard. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on a une vision, justement, ahistorique de la pornographie, on se rend compte que la pornographie arrive dans le droit en France en 1975, justement à l'occasion de cette loi X qui a introduit une taxation spéciale pour les produits dits pornographiques, et encore plus récemment dans le code pénal, hein, puisque jusqu'en 1994, on parlait de bonnes mœurs, d'atteinte aux bonnes mœurs, et désormais, la pornographie est entrée dans le code pénal. aux côtés, par exemple, de l'incitation au terrorisme, de l'incitation à se livrer à des jeux violents et aux images violentes. Et le code pénal en France nous indique que la pornographie doit être, ceux qui distribuent la pornographie doivent être punis lorsque cette pornographie est susceptible d'être vue ou perçue par un mineur. Mais y a-t-il eu un moment, puisque vous nous avez proposé une forme d'histoire du concept même de pornographie, où celle-ci n'était pas interdite, n'était pas jugée moralement condamnée? Je dirais qu'elle a toujours été moralement condamnée, mais pas dans les mêmes termes. C'est-à-dire que vous aviez, sous l'ancien régime, bien entendu, des punitions qui s'abattaient sur les livres lorsqu'on les jugeait obscène, propre à susciter la lubricité du spectateur. Mais en réalité, il n'existait pas de catégorie propre de pornographie. C'est-à-dire que, en fait, les livres qui choquaient à l'époque ou qui scandalisaient étaient regroupés sous la catégorie de ce qu'on appelait les mauvais livres. Et les mauvais livres pouvaient aussi bien être des livres hostiles à la religion, anti-religieux, philosophique, des romans. Et donc la catégorie en tant que telle n'existait pas. Catégorie juridique, vous dites ? Catégorie juridique, ouais, n'existait pas. Et je dirais aussi que la catégorie esthétique et mentale n'existait pas de la même manière. Si bien qu'en réalité, en fait, dans l'Ancien Régime, vous aviez des œuvres, et on les connaît, qui étaient indiscernablement sexuelles et philosophiques. Indiscernablement. Vous pensez sexuel, à Sade, par exemple? Bien entendu. Et à Sade et à la tradition du libertinage, dans lesquelles on pouvait trouver, sans aucune difficulté dans une œuvre, des très longues scènes débats sexuels, qui avaient notamment pour but de susciter l'excitation. On a parlé, ça c'est un livre de Monsieur Goulmeau qui reprend une citation de Rousseau, ces livres qu'on ne lit que d'une main. Et donc, qui dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que ce sont des livres qui étaient destinés à susciter l'émoi sexuel, mais qui étaient aussi des livres philosophiques. Or, en fait, cette pluralité, cette ambiguïté dans la réception qui faisait qu'on pouvait avoir une lecture sexuelle et politique, sexuelle et philosophique d'une œuvre, s'est progressivement érodée lorsque la catégorie pornographie est venue définir des œuvres qui sont que sexuelles et pas autre chose. Et aujourd'hui, je pense qu'il est presque inconcevable, et ça c'est sans doute la preuve de l'empire et de l'emprise que les catégories juridiques exercent sur nos esprits, en réalité, de concevoir des œuvres qui soient à la fois sexuelles et esthétiques et politiques. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a une expression qui dit « ce n'est pas de l'art, c'est de la pornographie ». Art ou pornographie. Comme si le choix était nécessaire, comme si le choix était absolu. Je pense que ce serait très difficile de citer, par exemple, un film aujourd'hui, ou même un film, même dans l'histoire du cinéma, dont on ne pourrait pas savoir s'il est artistique ou sexuel. J'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé. Ben, on vous propose un extrait, vous nous direz, un extrait du film de Virginie Despentes, Baise-moi. Allez, c'est rien à côté de ce qu'ils peuvent faire. On a encore envie, non? Putain, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Je peux dire ça parce que j'en ai rien à foutre de leurs pauvres bites de branleurs. J'en ai pris d'autres dans le ventre et que je les emmerde. C'est comme une voiture que tu gardes dans une cité, tu laisses pas des trucs de valeur à l'intérieur parce que tu peux pas empêcher qu'elle soit forcée. Hein. Ma chatte, je peux pas empêcher les connards d'y entrer, j'ai rien laissé de précieux. C'est jamais qu'un coup de queue quand on est jamais que des filles. Tu vas voir, maintenant ça va aller. Pétra! Le film Baise-moi de Virginie Despentes est intéressant, Denis Ramon, parce qu'au moment de sa sortie en 2000, il avait d'abord été interdit au motif qu'il était pornographique, et puis, en jugeant des qualités esthétiques du film, cet interdit a été remis en question, et finalement, il a été classé sous la catégorie nouvelle de interdit au moins de 18 ans. C'est un exemple d'une œuvre jugée pornographique qui a fait évoluer la notion même d'interdit. Oui, et c'est aussi une œuvre qui a révélé, en fait, de manière assez crue, à mon avis, à quel point notre droit, en fait, sépare les représentations de la sexualité, c'est-à-dire les représentations artistiques de la sexualité, et les représentations pornographiques. Pourquoi ? Parce que le film, effectivement, est sorti en 2000, à une époque où il existait une alternative dans le droit entre l'interdiction aux moins de 16 ans et la catégorie pornographie. C'est-à-dire, en gros, soit un film était interdit aux moins de 16 ans, soit il était jugé pornographique. Il a été, au départ, interdit aux moins de 16 ans seulement. Or, le problème, c'est que ce film était interdit aux moins de 16 ans, il était donc accessible à des mineurs. Or, il contient des scènes de sexe non simulées. Il était donc, en réalité, hors la loi, vis-à-vis du code pénal. C'est-à-dire que le code pénal interdit que l'on mette face à des mineurs des représentations de la sexualité. Donc en fait, le problème de ce film, c'était qu'il ne pouvait être classé que pornographique à l'époque, alors que il ne l'est pas. Oui, mais en tout cas, il remet en question la proposition de définition qu'on a esquissée depuis le début de cette émission, qui est de savoir que la pornographie, c'est ce qui va exciter le spectateur. Ici, même la scène qu'on a entendue, deux filles viennent de se faire violer, l'une est complètement traumatisée, et la seconde dit « mais non, mais tu accordes trop d'importance à ta chatte, c'est comme une voiture, faut rien y laisser de précieux, sinon après tu le regrettes ». C'est une scène d'une violence inouïe, où l'on voit tout, et là, le but n'est clairement pas de rechercher le désir. Bien sûr, et justement, en fait, lorsque les juges, le Conseil d'État notamment, a catégoriser le film comme pornographique, ils ont en réalité, à mes yeux d'ailleurs, déjà commis une erreur, et réagi à un vide juridique. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est à l'occasion de ce film qu'on a réintroduit l'interdiction aux moins de 18 ans. L'interdiction aux moins de 18 ans qui, en France, fait une sorte de doublon avec la catégorie pornographie, ce qui est d'ailleurs une curiosité qui, à mon avis, qu'il faut interroger, puisque vous avez un certain type de films qui sont interdits aux moins de 18 ans, ce sont lesquels ? Ce sont ceux qui contiennent des scènes de sexe, mais qui ne sont pas pornographiques. Donc, Baise-moi, évidemment, est inaugural, puisqu'il contient des scènes de sexe non simulées, sans être à proprement parler pornographique au regard de la catégorie juridique de pornographie, puisque, de fait, il ne cherche pas à susciter l'excitation sexuelle de ses, en particulier de ses spectateurs masculins, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est un film qui est réalisé par Virginie Despentes et Coralie Trinity dans un angle féministe. Et donc, rien n'est là, en principe, pour flatter la libido masculine. Non, mais la dimension féministe du film a aussi été questionnée, d'ailleurs. Oui, effectivement, et vous avez raison de le souligner, le Conseil d'État s'est encore trompé en disant que le film n'avait pas pour but de dénoncer les violences faites aux femmes, ce qui, à mon avis, est extrêmement contestable. Mais, quoi qu'il en soit, c'est vrai que ce film est venu combler un vide juridique et aujourd'hui, par exemple, on voit des films entrer dans cette catégorie des films interdits aux moins de 18 ans. Par exemple, le film de Gaspard Noé, Love, mais il y en a eu d'autres, hein, je crois un film de Larry Clark. Et ça, ce sont, comment dire, ce sont les représentations de la sexualité qui contiennent des éléments artistiques, politiques. Et là où se fait la différence, c'est que ces films interdits aux moins de 18 ans peuvent être diffusés dans des salles, peuvent être aussi diffusés à la télévision à certains horaires, et peuvent bénéficier de certaines aides. Et en revanche, vous avez les films pornographiques qui, eux, n'ont pas droit de cité, qui ne sont que de la sexualité. Et il y a d'autres cas dans lesquels la question de la distinction s'est posée. En réalité, la catégorie pornographie, d'ailleurs en France, est très très rarement utilisée, puisque aujourd'hui, qui fait de la pornographie ne veut pas passer dans les circuits classiques. C'est-à-dire que la pornographie se passe ailleurs qu'au cinéma. Mais le dernier film classé X en France, je crois que c'est en 2009, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est un film d'Ovidi, réalisé avec Jack Tyler, qui s'appelait Histoire de sexe. Et c'était un film que sa réalisatrice, Ovidi, qui est une ancienne actrice de films pornographiques, mais qui est aussi désormais écrit des essais, réalise des documentaires. C'est un film qui se voulait pornographique et éducatif. C'est-à-dire que c'était une sorte de récit initiatique d'une jeune femme qui, au cours de soirées entre amis, découvre ses fantasmes. Alors le film était tourné avec des acteurs pornographiques et des actrices pornographiques. Ovidie considérait néanmoins que ce film avait un intérêt éducatif. Mmh. Et lorsque ce film est passé devant la commission de classification des films, qui en France est chargée de distribuer les visas, il a été qualifié de pornographique et donc interdit tout simplement de diffusion en salle. Si bien que si vous voulez voir le film aujourd'hui, il faut soit l'acheter en DVD, soit aller sur les plateformes de piratage, mais je devrais sans doute pas dire ça. Là, on voit bien que la catégorie pornographie empêche certains films qui ont une vocation sexuelle et éducative et politique de paraître sur les écrans. Mais ce que vous êtes en train de dire, Denis Ramon, c'est que c'est la catégorie juridique de pornographie qui pose problème. Ah oui, absolument. La catégorie juridique pose problème parce que elle revient à faire une distinction rigide entre ce qui est sexuel et ce qui ne l'est pas. Or, le problème, c'est que vous avez beaucoup d'œuvres qui, en réalité, s'attachent ou souhaiteraient transgresser ce type de distinction-là. Or, le problème, c'est que une norme a des effets. Le problème, c'est que le droit, ce n'est pas seulement un texte. Le droit a une puissance de création de ce dont il parle. Or, je pense qu'on peut dire, d'une certaine manière, que le droit est producteur de pornographie. Et lorsqu'on dit que le droit est producteur de pornographie, ça veut dire qu'il est constitutif, et constituant plutôt d'ailleurs, d'une catégorie qui serait que sexuelle. Et cette catégorie, eh bien, elle a des sphères. Elle a des sphères qui sont des sphères spatiales. C'est-à-dire qu'on regarde la pornographie dans certains lieux et pas dans d'autres. Elle a des sphères temporelles. On regarde la pornographie à certaines heures. Elle a une matérialité. On donne des subventions ou des aides publiques à des films non pornographiques. On n'en donne pas, évidemment, aux films pornographiques. Il y a même une architecture de la pornographie. Enfin, j'aimerais juste raconter une petite anecdote, si je peux. C'est que je travaillais il y a un petit moment sur la pornographie alternative et j'ai souhaité à la Bibliothèque nationale de France emprunter, pour le visionner, une œuvre d'une pornographie. Enfin, d'une réalisatrice de films pornographiques féministes, Erika Lust, et pour l'analyser. Et à ma grande surprise, parce que bon, on est quand même dans un lieu où il y a que des chercheurs et en fait que des gens majeurs hein, en principe, j'étais emmené dans une série de longs couloirs, hein, parcouru tous les couloirs de la Bibliothèque nationale de France, pour arriver dans une sorte de hangar avec une rangée de cabines, les unes à côté des autres, fermées par des portes extrêmement larges et hermétiques, et dans lesquelles vous avez un petit tabouret, et en face un écran, et dans lequel vous pouvez visionner le film pornographique. Vous allez changer la vie de tous les thésards qui sont quotidiennement à la BNF. C'est assez surprenant, parce qu'en réalité, c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, la pornographie, ce n'est pas seulement un type de représentation, et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est-à-dire que pour moi, ce qui était pornographique, c'était pas ce que je voyais sur un écran, ce qui était au fond des scènes de sexe relativement innocentes et soft, mais ce qui était pornographique, c'était le dispositif. C'était le fait de suivre ce bibliothécaire dans ses couloirs, c'était d'être dans cette espèce de cabine qui me donnait, en fait, au moment même où je regardais ces images, l'impression de me livrer à une activité perverse. Donc c'est là que l'on voit. Alors, que la pornographie n'est pas forcément perverse, c'est ce que vous dites. Non, la pornographie en elle-même ne l'est pas, mais le droit et la norme nous contraignent à les voir de cette manière-là. Exactement. Alors, on va essayer de développer ce point, parce qu'en quel sens le droit est finalement nuit-il à un bon usage de la pornographie ? C'est difficile à comprendre. Écoutez les propos d'Emmanuel Macron, figurez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, enfin il y a presque un an, qui s'indigne d'un certain usage de la pornographie au nom de la violence faite aux femmes. Unissant monde virtuel, stéréotypes, domination et violence, la pornographie a trouvé grâce aux outils numériques un droit de cité dans nos écoles. La consommation s'en est banalisée et le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, nous devons prendre à bras le corps ce phénomène que nous avons trop longtemps refusé de voir parce qu'il embarrasse les parents comme parfois les enseignants. Nous ne pouvons pas d'un côté déplorer les violences faites aux femmes et de l'autre fermer les yeux sur l'influence que peut exercer sur de jeunes esprits un genre qui fait de la sexualité un théâtre d'humiliation et de violence faite à des femmes qui passent pour consentantes. Le contenu de la pornographie est toujours le même. En substance, les femmes désirent être dépossédées d'elles-mêmes et subir des sévices. Nous voulons à tout prix être ligotés, battus, torturés, humiliés et tués. Ou, pour être juste avec le porno soft, simplement prises et utilisées. C'est cela l'érotisme du point de vue des hommes. Pour eux, le désir sexuel des femmes est ce qui les rend désirables. C'est la soumission même qui va avec un abandon extatique de toute autodétermination. Elles existent pour être violées et possédées. Eux, pour les violer et les posséder, avec un objectif, un stylo ou sur un écran, pour le compte du consommateur. À un niveau purement descriptif, l'inégalité hiérarchique, dont la première est celle du genre, semble indispensable pour qu'il puisse y avoir excitation. Ce que fait la pornographie va au-delà de son contenu. Elle érotise la hiérarchie, sexualise l'inégalité. Elle fait de la domination et de la soumission du sexe. l'inégalité est son principal ressort. L'illusion de liberté, en même temps que la réalité de la contrainte, est au centre de son dispositif. Parlons de pornographie cette semaine sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Aujourd'hui, en compagnie du philosophe Denis Ramon, qui est attaché d'enseignement, qui enseigne la science politique à l'université d'Angers, qui a consacré sa thèse à la pornographie en lien avec la liberté d'expression, une thèse qu'on pourra bientôt lire aux éditions Garnier, Denis Ramon. On vient d'entendre d'abord Emmanuel Macron, et puis j'ai lu un texte de Catherine McKinnon, qui fait partie de ces féministes américaines qui s'opposent résolument au porno, et les arguments qu'elle a énoncés sont clairs. Le problème des films porno, parce qu'ici c'est surtout des films qu'il est question, c'est l'image absolument dégradante de la femme qu'il renvoie. Oui, et là, d'ailleurs la mise en rapport de ces deux extraits est assez intéressante, parce que lorsque McKinnon écrit ces lignes, on est à peu près au début des années 1980 aux États-Unis. Et en fait, le combat féministe anti-pornographie commence effectivement à cette période-là, à un moment où en France, les questions féministes, notamment en lien avec la pornographie, ne se posent pas réellement. On peut dire qu'en fait, ce discours d'Emmanuel Macron en 2017 marque une inflexion dans la manière dont le problème de la pornographie se pose en France, puisque jusqu'à présent, on parlait de pornographie en lien avec la délinquance, je dirais, c'est-à-dire que, attention, les jeunes gens qui regardent la pornographie vont devenir des délinquants, en lien avec la psychologie, c'est-à-dire la pornographie va détruire leur système de valeurs, va les traumatiser, et en lien aussi avec une sorte de moralisme qui consiste, en gros, à dénoncer dans la pornographie ce qu'on pourrait appeler la négation de l'autre, ou le solipsisme sexuel. C'est-à-dire que le thème de la pornographie était abordé sous un angle, vous pouvez lire ça par exemple dans des rapports qui sont faits assez fréquemment et qui sont communiqués au gouvernement, sous l'angle effectivement de la morale et de la délinquance. Or, Emmanuel Macron, avec 30 ans après le combat féministe anti-pornographie, commence à parler en France des violences faites aux femmes. Et il faut voir que lorsque Catherine McKinnon, qui est une juriste, hein, qui est une juriste et une théoricienne du droit américaine, lorsque Catherine McKinnon parle de pornographie, elle n'en parle pas du tout dans les mêmes termes, ni dans les mêmes définitions que celles que l'on adopte actuellement, de celles dont on parle tout à l'heure. Oui. En fait, justement, cette définition, elle veut la mettre en cause, puisque le droit, justement, la catégorie juridique, fait une distinction entre les œuvres artistiques et celles qui ne le sont pas. Or ça, McKinnon, ça ne l'intéresse absolument pas. C'est-à-dire que tout ce qui intéresse McKinnon, ce n'est pas de savoir si finalement les œuvres sont bonnes ou mauvaises, c'est de savoir si les œuvres érotisent ou non la soumission des femmes. Donc elle adopte une définition extrêmement large de la pornographie. Enfin, du moins extrêmement large à certains égards, puisqu'elle inclut des œuvres qu'on n'appellerait pas forcément pornographiques aujourd'hui, des œuvres qui mettent en scène de la domination masculine. Et ça, on peut en trouver chez des grands écrivains, on peut même en trouver d'ailleurs dans les textes religieux, surtout dans les textes religieux d'ailleurs. Mais elle ne prend pas en compte toutes sortes de pornographies. Par exemple, on pourrait dire qu'elle ne prend pas en compte la pornographie homosexuelle, ou du moins très peu. Et donc, effectivement, là, avec Catherine McKinnon, on a une critique de la pornographie qui ne s'effectue pas du tout au nom de l'absence de qualité esthétique de la pornographie, mais au nom de la critique, en tout cas, de la domination masculine. Or, ce que dit McKinnon, bon, évidemment, elle a beaucoup écrit sur la question et beaucoup de conférences. Ce que dit fondamentalement McKinnon, c'est que la pornographie n'est pas seulement un mode de représentation, ce n'est pas non plus seulement une idée. On va expliquer peut-être pourquoi elle dit que c'est pas seulement une idée, mais c'est un acte de domination sexuelle. Et ça, ouais, c'est ça qui est très compliqué. Elle dit ce que la pornographie signifie et ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à l'application pratique et directe sur le spectateur de la pornographie. Absolument. Et pour elle, la pornographie, l'opération fondamentale de la pornographie, c'est d'érotiser la domination masculine. C'est-à-dire de rendre la violence, comme on pourrait dire, sexy. Et c'est une des raisons pour lesquelles, et je pense que cet argument n'est pas dépourvu de pertinence, les violences sexistes sont beaucoup moins faciles à voir que les violences, par exemple, racistes ou les violences aujourd'hui antisémites. C'est-à-dire qu'il y a toujours à l'égard des violences sexistes une certaine indulgence que l'on voit, en tout cas en France. De moins en moins. De moins en moins, sans doute. De moins en moins, mais bon, effectivement, on peut quand même considérer qu'il y a ça met du temps. Et ça met du temps parce que, nous dirait MacKinnon, la violence sexiste s'appuie sur la sexualité et s'appuie sur le désir. C'est-à-dire que cette violence est désirable. Elle est totalement liée au désir. Et du coup, effectivement, cette idée selon laquelle la pornographie agit, fait dire à MacKinnon que la pornographie, en réalité, n'est pas seulement une forme d'expression, mais véritablement une action. Il y a une sorte de performativité pornographique. Ça, c'est quand même un point de vue partagé par énormément de personnes, si ce n'est la totalité des gens qui condamnent la pornographie. C'est d'ailleurs ce qu'on dit à propos des jeux vidéo. Oui. Le problème des jeux vidéo, c'est que ça va rendre fous ceux qui y jouent. Ils vont pas faire la distinction entre le virtuel et le réel. Et ils vont se saisir d'une arme pour tuer tout le monde, comme dans les jeux vidéo, sauf qu'ils vont le faire dans la vraie vie. Oui. Là, c'est à peu près le même argument de dire, mais le problème de la pornographie, c'est que l'image de la femme qui y est véhiculée va avoir une conséquence directe sur la réalité. Et ensuite, les hommes qui regardent les films porno vont se comporter comme ça avec les femmes. Oui, effectivement. Ce qui se discute, je dirais que la différence, c'est que MacKinnon ne parle pas seulement en termes d'influence. C'est-à-dire que, effectivement, beaucoup de gens seraient prêts d'ailleurs à accepter que la pornographie influence les comportements au même titre que n'importe quelle œuvre culturelle d'ailleurs. Oui, ou alors on peut dire au contraire, elle révèle des comportements qui sont déjà là. Par exemple, qu'elle ne crée rien, mais qu'elle filme des certains types de désirs et d'actes qui sont présents sous forme de fantasmes chez les gens. Effectivement. Mais MacKinnon, en fait, nous dit que la pornographie, en fait, elle appelle pornographie une sorte de violence systémique inscrite dans les représentations et qui exerce, en fait, une action directe sur les perceptions. C'est-à-dire que chez elle, la pornographie n'est pas seulement un symptôme de nos désirs, ce n'est pas seulement une œuvre culturelle qui nous influence, c'est une sorte de superstructure presque en termes marxistes, c'est-à-dire une sorte de construction pornographique de la réalité, dans laquelle toutes les représentations, et pas seulement les représentations que l'on qualifie généralement de pornographiques, mais de nombreuses représentations, montrent la femme comme jouissant, appréciant de sa soumission ou la violence dont elle est l'objet. Et en ce sens, elle est une sorte de nocivité directe. Et pourquoi Catherine MacKinnon dit ça? C'est qu'en réalité, elle veut critiquer la manière dont aux États-Unis on conçoit la liberté d'expression. Je pense que c'est vraiment ça dont il est question. D'ailleurs, c'est que MacKinnon nous dit, mais vous savez, c'est très bien, oui, ce sont des expressions, mais lorsque vous avez une pancarte devant un bar qui dit interdit aux noirs, c'est aussi une expression. Lorsqu'un colonel dit à ses soldats tirer, c'est aussi une expression. Mais ce sont des expressions qui agissent. En fait, ce que fait MacKinnon, et on peut en discuter, évidemment, ces thèses ont été extrêmement discutées et contestées, elles ont même aussi été souvent traitées avec mépris, et peut-être trop rapidement. Ce que fait MacKinnon, c'est qu'elle nous dit qu'il est certains mots, certaines images, certains comportements qui ont force de loi, c'est-à-dire qui ont une puissance telle qu'ils ont une capacité à définir la réalité sociale. Je vous déclare mari et femme. Exactement. C'est une phrase qui a un impact direct sur la réalité. Oui, absolument. C'est la dimension performative du langage. C'est la dimension performative du langage. Et MacKinnon, alors MacKinnon ne fait pas une référence constante à la performativité telle que l'a définie Austin dans « Quand dire, c'est faire ». Mais effectivement, elle s'appuie toujours sur l'appareil théorique selon laquelle la pornographie comme système de représentation généralisé a force de loi. Et c'est un thème qui va être développé par d'autres féministes qui, en fait, vont essayer de montrer que la pornographie n'est pas une expression comme une autre, mais qu'il y a une normativité pornographique. Une normativité propre à la pornographie. Alors on va essayer de déconstruire ensemble ces arguments qui sont tous audibles et qui correspondent à une opinion très construite et très répandue, qui est de la nocivité même de la pornographie. Faut-il ou non l'interdire? D'abord, écoutez, une autre remarque, une autre critique de l'impact qu'a la pornographie sur nos propres vies, cette fois-ci, c'est Françoise Giroud, qui était à l'époque secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la condition féminine, enfin entre 74 et 76, là c'est en 75, qui explique comment elle est contre la censure, mais en même temps, elle se demande comment restreindre le champ d'expression de la pornographie. Écoutez. Je suis pour toutes sortes de raisons profondes, hostiles à toute espèce de censure. Je sais que ça n'est pas le point de vue, ce n'est peut-être pas le point de vue majoritaire des Français. Je crois que c'est très grave, la censure, parce qu'on commence par ceci et puis on va un petit peu plus loin et puis ça devient très rapidement politique. Je suis donc hostile à la censure. Il me semble que chacun doit être libre de communiquer ce qu'il a à communiquer. Mais chacun doit être libre aussi de ne pas recevoir ce message. Or, si je ne m'intéresse pas, et c'est peu de le dire, à la pornographie et à la violence, je ne sais pas pourquoi, quand je sors dans la rue, je dois être assommé par des affiches qui m'obligent, encore une fois, à recevoir un message que je ne veux pas recevoir. J'en dirais autant d'une certaine forme de publicité dans les journaux. On est au cœur du problème, Denis Ramon. Comment à la fois respecter la liberté d'expression et de l'autre revendiquer le droit à la non-nuisance, ce que fait aussi un MacKinnon dans le cas de la pornographie? Alors la difficulté, évidemment, c'est de savoir en réalité évaluer les différentes formes d'expression. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de méthode simple. En fait, beaucoup d'auteurs ont rétorqué à MacKinnon et à celles qui ont poursuivi son combat anti-pornographie que tout ça, finalement, c'était complètement absurde, que ce n'était pas prouvé, que ces effets, enfin, les effets qu'on attribue à la pornographie étaient complètement surestimés. Et d'une certaine manière, c'est vrai que rendre la pornographie exclusivement responsable de la violence sexuelle paraît complètement absurde. Hein. Personne n'a attendu la pornographie. Enfin, les sociétés n'ont pas attendu la pornographie pour connaître de nos grands nombres de crimes sexuels. Et surtout, d'autres pourraient faire remarquer que la pornographie, ça n'existe pas. C'est-à-dire que parler de la pornographie, finalement, c'est comme parler de la littérature ou de le cinéma. La pornographie, c'est un genre qui recouvre des centaines de catégories extrêmement diverses, correspondent à des désirs extrêmement différents. Et donc, parler de la pornographie sans guillemets, c'est aussi un problème. Mais admettons ce que dit MacKinnon, et MacKinnon qui définit, elle, la pornographie comme violence sexuelle, ce qui est une définition hétérodoxe. Je pense que là où elle nous alerte, c'est qu'elle, finalement, elle nous oblige à réfléchir sur la manière dont on gère les stéréotypes. Or, en réalité, les stéréotypes, on ne peut jamais réellement les évaluer. Souvent, des auteurs ont dit, comme je disais, bon, mais tout ça, c'est pas prouvé. La pornographie ne nuit pas. Certes, mais ça veut dire quoi, prouver? Comment on prouve les effets de certaines paroles et de certaines expressions? C'est ça la difficulté. Par exemple, on interdit les propos racistes, mais comment on prouve que les propos racistes sont nocifs? On interdit la diffamation, mais comment on prouve que la diffamation est nocive? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la question de la preuve dans les affaires de liberté d'expression est extrêmement difficile à apporter. Elle est toujours difficile à apporter. Mais pourquoi est-elle importante? Elle est importante parce que si l'on considère que la limite de la liberté d'expression, c'est la nuisance à autrui, prouver qu'il y a une nuisance? Ben oui, comment prouver qu'il y a une nuisance? Mais on peut condamner une idée plus qu'une action. C'est l'idée même prononcer des propos anti-noirs ou antisémites qui est punie. Oui, mais en général, ces propos sont condamnés au nom d'un principe d'égalité. Oui, mais en général, on les interdit malgré tout parce qu'ils risquent d'inciter à la haine ou inciter à la violence ou parce qu'ils constituent une injure. Donc, on parle bien de nocivité. En fait, je crois que les questions de représentation sont intéressantes justement parce que la nocivité n'est jamais prouvée. Au fond, on a tous conscience du fait que les stéréotypes sont nocifs, mais on pourrait parler d'une nocivité environnementale ou d'une nocivité climatique. C'est-à-dire que vous avez des stéréotypes diffus dans la société, des stéréotypes sexistes, des stéréotypes racistes. Ils sont nocifs, mais au fond, comme ils ne sont pas attribuables et comme leur nocivité n'est pas véritablement mesurable, on ne sait pas quoi en faire. C'est un petit peu comme la pollution, hein. Vous savez, chacun avec sa voiture ne pollue pas fondamentalement, mais lorsque tout le monde se met à prendre sa voiture, bon, il y a de la pollution, mais personne n'en est responsable véritablement individuellement. Or, la question, à mon avis, que pose MacKinnon et celles qui ont continué, c'est-à-dire, par exemple, Ray Langton. On peut penser à d'autres auteurs, c'est effectivement cette question de la gestion des stéréotypes. Or là-dessus, il y a, je pense, encore beaucoup d'efforts à faire pour conceptualiser l'effet des stéréotypes. Comment répondre à des stéréotypes? Comment gérer des stéréotypes? Eh bien, il y a un philosophe français qui s'est beaucoup posé la question, connu pour ce qu'on appelle l'éthique minimaliste, hein, ou minimale, qui privilégie la liberté avant toute autre forme de normes ou d'idées. C'est Ruven Augien qui répond dans l'archive que vous allez entendre directement aux propos de Catherine MacKinnon qu'on a évoqué jusque-là, Denis Ramon. Écoutez-le, c'était en 2007. Prenez les trois arguments qui ont été utilisés le plus fréquemment pendant ces campagnes contre la pornographie, ou plus exactement pour l'interdiction de la pornographie à la télévision, hein, sur les chaînes hertziennes. Il y avait l'argument de la protection de la jeunesse, l'argument de la dignité des femmes et l'argument de la violence, c'est-à-dire que l'exposition à la pornographie était à l'origine des tournants, de viols collectifs, de comportements violents à l'égard des femmes et puis ensuite des enfants. Alors, l'argument de la dignité des femmes, différentes façons de montrer que c'est un argument qui ne tient pas, entre autres qu'il repose sur une certaine forme de paternalisme à l'égard des femmes, une façon de les présenter comme victimes. Je ne vais pas trop rentrer pour l'instant dans les détails, j'essaie simplement de dire que ces arguments-là me paraissaient infondés, et en particulier pour bien mettre l'accent sur le caractère peu illusoire de cet argument, j'avais plutôt tendance à dire, mais est-ce que vous accepteriez qu'on passe des films gays porno à 8h30 à la télé? Là, il n'y a pas de femme, est-ce que ça vous dérange? Et là, on voit donc que les gens vont hésiter. Est-ce que vous accepteriez dans ces conditions? Et à ce moment-là, ils s'aperçoivent que ce n'est pas simplement le fait que la dignité des femmes est atteinte. Ce n'est pas non plus la soumission, parce que dans des films gays aussi, la question ne se pose pas de la même façon. Évidemment, il ne faut pas forcer les gens à regarder des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. Voilà, Ruben Novien reformule à sa façon la question que à la fois McKinnon et Françoise Giroud formulaient, de dire mais il y a des choses que je ne veux pas voir. La liberté d'expression, certes, pour tout le monde, mais il y a des choses que je ne veux pas voir. Ce que dit Ruven Ogien, quand même, semble déconstruire à plein d'endroits la position de McKinnon, notamment avec cette objection de paternalisme qu'elle aurait envers d'autres femmes. Absolument, et c'est un plaisir d'entendre la voix de Ruven Ogien, qui a beaucoup travaillé sur ces questions et qui fait partie des gens qui ont contribué, en fait, à rendre ces questions, je pense, légitimes et importantes en France, là où elles ne l'étaient pas il y a quelques années. Alors, je pense qu'il déconstruit leur argumentation, mais à certains endroits, mais pas à tous. D'abord, il présente la question des femmes, en tout cas du sexisme, comme étant une affaire de dignité. Or, je suis pas persuadé que les féministes anti-pornographie accepteraient le terme de dignité. C'est-à-dire que le terme dignité a une connotation extrêmement moraliste. Et toutes les féministes anti-pornographie sont très soucieuses de dire que c'est pas une affaire de dignité, mais que c'est une affaire de violence et d'influence du regard masculin sur les femmes. Et surtout, il y a un autre aspect, il me semble que Françoise Giroud, pardon, et Ruven Ogien n'abordent pas tout à fait, c'est que, en réalité, le problème n'est pas, en tout cas aujourd'hui, de savoir si vous êtes ou pas contraint de voir de la pornographie. Personne aujourd'hui, ou sauf très rares cas, ne vous oblige à regarder de la pornographie. Bah, ça dépend si on peut juger des images de publicité comme étant pornographiques parce qu'elles montrent des choses qu'on ne veut pas voir. Certes, pour la publicité, c'est vrai, mais pour la pornographie, ça l'a été à un moment. C'est-à-dire au moment où François Giroud parle, il y a des affiches de films pornographiques dans l'espace public, mais il n'y en a plus tellement quand même maintenant. Et je pense qu'en fait, c'est considérer que le problème de la pornographie est un problème moral une fois encore, c'est-à-dire on m'impose de voir quelque chose que je ne veux pas voir. Or, en fait, les problèmes intéressants de liberté d'expression ne se posent pas en ces termes. Ils sont, je dirais, indirects. C'est-à-dire, évidemment, que moi, je ne suis pas obligé de voir de la pornographie, mais il y a des gens qui en voient. Et ils peuvent avoir un comportement violent à mon égard, même si le rapprochement peut évidemment être contesté, au même titre que personne n'est obligé de lire des ouvrages racistes et antisémites, mais qu'on peut considérer qu'ils sont dangereux parce que ceux qui les lisent risquent d'avoir des comportements violents sur les personnes qui sont visées par ces ouvrages-là. Je dis pas que le rapprochement est nécessairement bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois encore, Ruven Ogien, et ça c'est typique d'ailleurs de la tradition dans laquelle il s'inscrit, qui est une tradition libérale, et dans son cas assez libertaire, ils ne prennent pas à bras-le-corps la question des stéréotypes. C'est-à-dire que pour eux, le fait que certaines images soient diffuses dans l'espace public ne pose pas de problème fondamental. Ce qu'on peut très bien comprendre. Or, il me semble qu'il y aurait peut-être quelque chose à interroger sur la manière dont on distingue différents types de stéréotypes. Vous avez des stéréotypes qui sont des stéréotypes violents, et notamment des stéréotypes qui consistent à présenter certaines personnes comme des ennemis dans la société. Vous avez des stéréotypes qui sont des stéréotypes moins violents, dans lesquels vous avez des clichés. Hein, quand vous voyez le film Intouchable, par exemple, qui a fait 20 millions d'entrées en France, vous avez des stéréotypes assez abondamment sur les Noirs, mais on peut pas vraiment, d'ailleurs on aura peut-être honte dans quelques années, mais on peut pas dire que le film est violemment raciste. Je pense que ce serait excessif. Donc, la question est de savoir effectivement comment on traite les stéréotypes. Et je pense qu'il serait intéressant de distinguer les stéréotypes ou dans lesquels les personnes sont présentées comme des ennemis à tuer et à abattre, comme vus comme des ennemis de la communauté, et des stéréotypes qui sont des stéréotypes moins directement violents et qui ne pourraient pas être justement considérés comme des appels à la violence. Donc à la question « faut-il interdire la pornographie ?», vous répondez ? Je répondrais qu'il faut en finir avec la pornographie. Et en finir avec la pornographie, ça veut dire en finir avec la norme juridique de pornographie qui nous impose de distinguer entre l'artistique et le sexuel. Et je dirais aussi qu'il faut en finir avec peut-être l'usage du terme pornographie, et peut-être en viendra-t-on un jour là, qui en fait consiste à peut-être à aplatir des formes d'expression qui sont extrêmement diverses et peut-être à étudier de manière plus fine. Donc il faut en finir avec le terme de pornographie. Absolument. Merci Denis Ramon, on se quitte avec un orgasme. Après 50 minutes, il est temps d'écouter Jean-Yann et son coït. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, je ne connais pas ton nom, je ne connais rien de toi. Je t'ai rencontré il y a une heure à peine, et depuis une heure, sur cette musique, nous pratiquons le coït. Je jouis, oui, oui, c'est bien. Oh oui, je viens. Ah, je viens bien. Ah oui, oui, je jouis. Oh oui, ah, je jouis. Oh, oh oui, oui, je jouis. Merci beaucoup Denis Ramon d'être venu nous parler de pornographie, de liberté d'expression Merci aujourd'hui. Merci à vous. Je précise qu'on pourra lire votre thèse aux éditions Garnier très bientôt sous le titre « Image défendue, la liberté d'expression face à la pornographie ». Je ne veux pas savoir qui tu es. Je ne veux pas savoir d'où tu viens. Je ne veux rien savoir de toi. Je ne te reverrai jamais. Tout à l'heure, je vais partir, et de notre rencontre, il ne restera rien, rien que le souvenir d'un très long coït. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, alors que nous recevons dans les chemins de la philosophie l'immense et inénarrable Denis Ramon, qui vient de nous parler de la question de l'interdiction de la pornographie, j'aimerais évoquer une récente polémique qui, je ne vous le cache pas, m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Vous connaissez peut-être Bastien Vivès, je l'espère en tout cas, le jeune et extraordinairement talentueux dessinateur de bandes dessinées. Sa dernière BD, parue aux éditions Glénat, dans la collection Porn Pop, raconte la vie d'un petit garçon qui porte le doux nom de Petit Paul. Petit Paul vit à la campagne avec son père et sa sœur Magali. L'histoire pourrait être banale, sauf que Petit Paul est né avec une malformation pour le moins étonnante. Un sexe immense, difficile à dissimuler et qui déclenche dans son entourage, surtout parmi les femmes, les plus violentes pulsions, alors même que Petit Paul n'est pas vraiment encore en âge de penser à la chose. Où qu'il soit, à la ferme, en classe ou chez ses amis, le pauvre petit garçon est sans cesse confronté à des scènes absurdes et embarrassantes. D'un trait de crayon virtuose, Bastien Vivès rompt le voile et donne à voir de manière tout à fait réjouissante les fantasmes inavoués qui nous agitent parfois. L'ouvrage devrait faire un tabac. L'éditeur a d'ailleurs d'emblée pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter un psychodrame. La bande dessinée est vendue sous plastique, avec un autocollant disant « Ouvrage à caractère pornographique, mis à disposition des mineurs interdites ». Mais apparemment, Même ce genre de précautions sont de nos jours insuffisantes. Dans une pétition sur Internet, signée par 2500 personnes, un certain Degreen s'insurge de la publication d'un tel livre. Invoquant le code pénal, il accuse la bande dessinée d'être pédopornographique et de constituer une apologie de l'abus de l'enfant. Réaction immédiate chez Gibert et Cultura, qui décident, dans un grand élan de courage, de retirer la bande dessinée de leur magasin. La décision est plus que regrettable, mais elle soulève un certain nombre de questions intéressantes sur la liberté artistique, l'exception dont devraient bénéficier les fictions, surtout lorsqu'il s'agit de dessins ou de peintures, ou encore les limites qu'une société s'impose en matière de représentation pornographique. Sans pouvoir trancher toutes ces questions d'un coup, on peut néanmoins constater une recrudescence de l'esprit puritain un peu partout dans le monde occidental, aux États-Unis, patrie du puritanisme, mais aussi en Europe, qui, sans doute par mimétisme, connaît de plus en plus de polémiques liées à des censures intempestives d'œuvres longtemps protégées. Je pense là à L'Origine du Monde de Gustave Courbet, retiré de Facebook sans autre forme de procès, ou encore au magnifique nu d'Egon Schiele, censuré en Allemagne et en Angleterre. Mais revenons à notre sujet et parlons un peu de pédopornographie et de pédophilie en général. Laissez-moi d'abord vous rappeler cet épisode qui a fait couler beaucoup d'encre. En 1982, dans l'émission Apostrophe, animée par Bernard Pivot, Daniel Cohn-Bendit se retrouve face à l'écrivain et journaliste Paul Guth et lui tient des propos pour le moins étonnants. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout-petits, là, les tout-petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu. C'est un jeu absolument érotico, vous me maniaque. Troublez. Oh, mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais pas tant que ça. En 2001, alors que l'extrait avait été rediffusé, entraînant pour la première fois une polémique, Bernard Pivot avait rappelé au journal du dimanche qu'à l'époque de la diffusion de l'émission, en 1982, Daniel Cohn-Bendit n'avait été interpellé là-dessus par aucun des invités présents. Ni par un homme d'ordre, le préfet Maurice Grimaud, ni par un catholique traditionnaliste, Michel de Saint-Pierre, ni par le philosophe François Châtelet. Ni par lui non plus. Il n'y avait d'ailleurs eu aucune protestation dans la presse. Mais alors, que s'est-il passé entre 1980 et 2000? Entendons-nous bien. Il était nécessaire que la pédophilie soit reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un crime, et que la pédopornographie, qui fait florès sur Internet, soit condamnée dans toutes ses formes. Mais cela veut-il pour autant dire que la sexualité de l'enfant doit être niée par principe, renvoyée dans les limbes de l'histoire, accusée d'être le seul fait d'adulte malveillant? Rien ne semble moins vrai, et il me paraît pour ma part dangereux de refuser d'aborder le sujet, même s'il est évidemment délicat. La découverte de l'éros se fait dès la petite enfance, souvent de manière douloureuse d'ailleurs, car elle renferme des réalités, des fantasmes inavouables, mais souvent aussi de manière cocasse, drôle et absurde. Refuser d'aborder le sujet, c'est refuser de comprendre l'épaisseur de l'enfance et du rapport que les enfants entretiennent au désir. Refuser d'aborder le sujet, c'est aussi laisser entendre que désir et culpabilité vont toujours de pair. Mais je le répète, le sujet est délicat. Pour en parler, il faut du talent. Eh bien, Bastien Vivès n'en manque pas. Alors courez acheter sa bande dessinée Petit Paul, parue aux éditions Glénat. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourda, Philippe Baudouin qui réalise cette semaine, Alice Seyed avec Alexandre Dan qui est à la prise de son aujourd'hui. À la lecture des textes, c'était Yvan Moran. On se retrouve demain pour la suite de notre série Pornographie en compagnie de Bruno Blankmann. Demain, nous évoquerons Hervé Guibert et son amour fou pour Vincent. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission, mais aussi toutes les précédentes, des années passées en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. où nous attendons vos remarques et commentaires. Et rendez-vous également ce samedi 6 octobre à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de la 27e édition de la Fête de la Science. France Culture propose le forum Les Idées Claires, où prendront place en public les émissions de la méthode scientifique, du grain à moudre, de la grande table et des chemins de la philosophie. Je vous attends à 10h15 pour un débat en compagnie de Jean-Claude Amezen et Frédéric Worms autour du thème « Faut-il renoncer à la vérité ?» Ceux d'entre vous qui ne pourront y assister, bien sachez que l'émission sera diffusée, enfin le débat sera diffusé, le vendredi 12 octobre à 10h dans les chemins de la philosophie. Je vous attends samedi donc, et très nombreux j'espère, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.